Elle veut du bif, de la coca. Elle s'est prise pour l'eau, coca et Zelda. Elle est belle, mais elle côtoie le shaitan. Elle veut me noyer dans un océan trop long. Papa me fait tout le temps rappel. Il me dit qu'elle va t'envoûter de rendre malade. Mais moi, comme mes frères, de Nia, je l'aime. Et j'espère mourir loin de ses péchés, Inch'Allah. Passez dans la peine. On fait plus de bénéfices et moins de hasanet. J'pense à ceux qui manquent à la peine. Et je me dis l'air, Hamel et Mette. Et quand ça vivra mon âme, moi je disparaîtrai mes femmes et mes erreurs. Et toutes mes peurs de ce monde ne sont rien face à mes peurs du créateur. Des fois je m'oublie, je perds la foi dans les tentations d'Iblis. Dans un hôtel Ibis avec Chitana et une taille de 8-6. Je fais de la guerre à mon âme et j'ai plus besoin de repentir ou de laver. Des fois je me blâme, est-ce toi Dunia ou c'est moi qui est mauvais? Je reste sans réponse et je me demande qui va me sauver. Je me vois dans mes songes et rends à tout jamais dans le mauvais. La culpabilité m'a supporte, mais je me dois que c'est fort. Je demande pas.